ebana bizaleli tolingana sans problème l'équipe est chérivé ba boti ba yo balinga kite to balana ba futi singa ibuka di bona bilobela ya bato l'équipe est chérivé nanga bona mwana nuna matemate Naponaki onzala wangai mama na bana to mesela kesi kama konfiki be chérie moto mosika na zali na koki komona yote iki be chérie nanga bona bona na mote mate La bandotte na mona yo, boutonio so se ma kanisi, na zupiti ya bolingo, chéri Vicky ye. Vicky ben, chéri ben, nanda, bono mwela luna mate mate. Okay. tenir la cloche. Sokyo koyo kangai, Vicky Bé, chérie Bé.